Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour un épisode un petit peu particulier des 2030 Glorieuses. Pas d'invité aujourd'hui, mais c'est l'envie de faire le bilan qui me pousse à créer cet épisode qu'on peut appeler un épisode bonus, comme vous le voulez. Je ne suis pas sûr que ça sera un épisode très long, hein, en tout cas pas du tout dans le format classique. J'ai pas, j'avoue, prévu forcément un format particulier. C'est plutôt l'envie de prendre la parole et de faire un petit débrief, un petit résumé de ces 50 épisodes qui viennent de s'écouler en 2030 glorieuses, qui me poussent à prendre le micro pour m'adresser à vous aujourd'hui. 50 épisodes déjà, hein, ça fait près de 2 ans que le podcast 2030 glorieuses existe. C'est vrai que pour moi, là, le dire comme ça à voix haute, c'est un vrai accomplissement parce que pour les personnes qui me suivent depuis quelques années déjà, vous avez écouté sans doute le podcast « Ça commence par nous, puis ça commence par moi » qui était construit, fabriqué, puis monté, diffusé avec Rage, ce groupe qui dépend, enfin cette radio qui dépend du groupe SOS à Paris et qui m'a largement épaulé pour au début structurer l'épisode. Et puis forcément, tout le côté technique de captation de son et le montage, ça, c'est vrai que ça m'a vraiment permis d'arriver dans le milieu du podcast de manière sereine et tout de suite, en tout cas j'en ai l'intime conviction, d'arriver à vous proposer un format, mais aussi une qualité qui soit vraiment presque professionnelle, hein, si je peux le dire comme ça. Au début, ça commence par nous, c'était l'idée collective de mettre en avant les initiatives qui aujourd'hui faisaient bouger les choses. J'étais accompagné par, vous vous en souvenez sans doute, notamment Mélanie de One Art, Hélène de Vestel d'Edeni, et tout de suite, ça a pris une belle ampleur. Mais c'était énormément de travail, hein. Il fallait savoir qu'à chaque fois on avait 3 voire 4 invités, tout un tas de chroniques. C'était une vraie émission d'une heure et le fait de dire que j'ai réussi à faire ça pendant 1 an, c'était fou. C'était vraiment fou et ça m'a donné envie d'arriver à un format un peu plus intimiste avec l'épisode, ça commence par moi, le podcast, l'émission, ça s'appelait même, où là on était sur un format plus court d'une demi-heure, un seul invité qui me parlait très concrètement de son initiative et du pourquoi il avait décidé de lancer cette alternative, qu'est-ce que ça avait d'impact positif. Et puis plus je passais du temps avec ces personnes passionnantes et plus je me rendais compte qu'il y avait vraiment un axe majeur sur lequel j'avais envie de leur donner la parole et sur lequel malheureusement les formats que j'avais construits me bridaient. Je me sentais limité dans le temps et limité aussi dans la construction de ma pensée sur le fait que bah, ces gens, ils font des choses extraordinaires, ils partent de constats terribles, mais qu'ils font éveillés, lucides et qu'ils osent affronter. Mais en filigrane de ça, il y a cette vision de quelque chose d'atteignable, largement différent et beaucoup plus souhaitable, qui me semble essentiel et que souvent on pressent, mais qu'on a du mal à exprimer et encore plus de mal à matérialiser. C'est vraiment pour ça qu'est née l'envie du podcast 2030 Glorieuses. C'était pour dire, bah, ok, vous agissez et vous avez compris qu'il fallait radicalement changer nos modes de vie, mais au fond de vous, clairement, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est une simple réaction ou c'est une pulsion plus grande ? Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à maturer cette idée du podcast 2000 Trente Glorieuses, pour lequel d'ailleurs, vous l'avez sans doute noté, je me suis lancé tout seul là. Pour le coup, il n'y avait plus de rage, il n'y avait plus de partenaire, il n'y avait plus personne. J'ai dû mettre les mains dans le cambouis de la technique, monter les épisodes moi-même, faire les prises de son et puis construire aussi la ligne éditoriale de ce podcast où j'ai un peu tâtonné, je pense, hein, pendant la première année. Je crois que je suis honnête avec vous et vous l'avez sans doute vu quand je vous dis que les premiers épisodes, bon, ils sont montés crescendo dans la qualité, dans l'intensité surtout, même si les interviewés étaient toujours de très très très haute expérience et capacité d'inspiration. Mais voilà, ça a pris de l'ampleur. J'ai grâce à vous eu énormément de retours positifs, d'encouragement qui m'ont donné envie de continuer, de pousser plus loin ce podcast qui là, pour cette seconde année, si je devais commencer à faire un tout petit peu le débrief, me fait me dire qu'on a réussi à atteindre une belle dynamique et il y a vraiment quelque chose qui marche parce que vos retours sont encore une fois très bons, parce que souvent les invités, quand je leur dis ça y est, le micro est éteint, on vient de terminer ce voyage en 2030 heureuse, ils me disent mais waouh, c'était fou, je prends jamais le temps de faire ce genre d'exercice et ça fait un bien fou en fait de le faire, ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, mais ça me permet aussi de mettre des mots sur des choses qui sont des non-dits profonds en moi et que j'avais le besoin de faire sortir pour en fait non seulement bah voilà, les exprimer fort, en être fier, et pouvoir brandir et me servir en fait comme un étendard de ces convictions qui sont profondément ancrées, mais c'est aussi bah, l'idée d'exprimer, de mettre des mots sur des choses bah, qui en fait viennent de très loin et qui méritent d'être dites, qui méritent qu'on les prenne au sérieux et qui méritent qu'on les partage pour montrer que les alternatives à notre système, elles sont là et qu'elles ne sont pas chimériques, elles ne sont pas inatteignables, elles ne sont pas rêvées. Au contraire, elles sont juste déjà autour de nous. Et quand je donne la parole à déjà 50 personnes et que je me rends compte que, en fait, moi, j'ai vraiment aucun problème en ce moment pour trouver des invités qui ont toutes et tous, hein. D'ailleurs, c'est sans doute le vrai premier retour que j'ai envie de vous faire sur ces deux ans du podcast 2000 Trente Glorieuses, c'est que au début, quand je me suis dit, j'ouvre la porte d'entrée des métiers pour voyager en 2030 glorieuse, parce que je sentais qu'à la fois c'était le plus grand blocage de notre posture actuelle et que souvent les gens me disent bah oui ok moi j'ai envie d'agir mais là clairement je peux le faire dans mon domaine personnel, familial pourquoi pas, associatif sans doute, mais que la limite vraiment pour moi c'est le métier parce que pour tout un tas de raisons, de confort, d'expertise, de besoin aussi bah, d'avoir une stabilité financière, bref. Je sentais qu'il y avait vraiment un verrouillage par rapport à ça, mais surtout que, en fait, bah, quand on se dit, OK, société durable, société solidaire, on peine à imaginer à quoi ressembleront notre économie et donc forcément notre monde professionnel, la structuration de notre société où le métier ne serait plus un fardeau à porter et quelque chose dans lequel, une sorte de moule dans lequel il faudrait réussir à tenir. Pendant une vie qui est très très longue, hein, qui conditionne même nos études, qui conditionne tout un tas de choses, l'endroit où on vit, la manière dont on vit, le niveau de vie qu'on arrive à atteindre, bref, et puis même parfois, hein, pour les cas les plus graves, qui affectent notre santé, qui peut clairement même affecter notre espérance de vie, en bonne santé ou pas d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central dans notre vie à toutes et à tous. Mais c'était aussi quelque chose qui me semblait crucial dans la confection de ces imaginaires de à quoi pourrait ressembler ce monde durable et solidaire de demain. Et moi qui pensais que j'allais avoir du mal, ou peut-être que ça allait être un vrai enjeu pour moi d'arriver à identifier ces métiers, bah après 50 épisodes, ça c'est vraiment mon premier retour comme je vous le disais. Je peux vous dire que, en fait, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème pour identifier ces personnes qui font les métiers de demain et pour avoir leur bénédiction pour participer au podcast et pour venir témoigner de tout ce qu'ils font au quotidien. Pourtant, je m'étais mis une exigence assez forte, hein. C'était d'inviter que des personnes qui ne font pas que réduire l'empreinte négative de notre monde actuel, mais qui au contraire ont décidé de drastiquement changer de vie pour contribuer à la société de demain et contribuer à d'autres croissances. Et donc ça, c'est sans doute mon deuxième retour, c'est que quand on parle voilà, de ces actrices et de ces acteurs vertueux, engagés, on a plein d'adjectifs hein, pour les définir, éthiques, solidaires, durables, j'ai déjà dit, et qu'on met en général voilà, dans cette vision écologique de notre société à venir, on mélange un peu tout. Et je sentais qu'il était urgent d'arriver à vraiment mettre l'accent sur ces personnes qui, elles, ne se limitent pas, même si c'est un peu dur pour les personnes qui le font actuellement, parce qu'on en a vraiment besoin, donc je ne les dénigre pas, mais qui voilà, ne se limitent pas à juste dire, bon, en fait, ok, le système actuel, on sait qu'il est avec tout un tas de limites, tout un tas de défauts, donc je vais essayer d'atténuer un peu ces défauts. Non, ces gens-là, ils ont vraiment dit, ok, en fait, mon ambition, mon exigence vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde, fait que j'ai vraiment envie de regarder bien plus loin et de pas seulement faire un peu moins de mal. J'ai envie de faire du bien. J'ai envie, comme je vous le disais, d'alimenter d'autres croissances qui ne soient pas seulement limitées à la croissance économique, mais qui soient, et là, avec les 50 épisodes, j'ai tout un tas d'exemples, donc liées par exemple à la croissance de la nature en ville, comme le fait par exemple Ophélie Damblé, la croissance de la reconnaissance du vivant et de l'être humain comme faisant partie de ce vivant comme étant un animal à part entière, avec par exemple Bastien Massias qui, lui, fait pâturer ses troupeaux de moutons en ville, la reconnaissance d'autres croissances comme celle de la solidarité intergénérationnelle avec Margot Dufaux des Astroliens, la reconnaissance de croissance, de créativité comme le fait Hubert Mott avec les ceintures avec des pneus de vélo recyclés. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, et pour les personnes les plus assidues qui suivent le podcast toutes les deux semaines, vous savez à quel point on arrive à mettre en avant d'autres croissances, et on montre à chaque fois à quel point ces personnes elles ont vraiment décidé d'être ambitieuses dans la vision du monde qu'elles portaient, dans cette incarnation du changement, et que la partie la plus intéressante, je pense, hein, même si malheureusement, il me semble trop abrupt d'arriver directement, tout de suite, en 2030 glorieuse avec elle et eux, et avec ces personnes, en fait. Et donc, du coup, y a besoin qu'elles nous racontent leur quotidien, leur cheminement, leur déclic, et comment, concrètement, elles arrivent à faire fonctionner tout ça dès à présent, dès aujourd'hui. Cette projection en 2030 glorieuse, quand on aura réussi à faire changer d'échelle toutes ces initiatives et à les normaliser et à les déployer sur tout le territoire, moi à chaque fois ça me bouleverse et ça me donne vraiment beaucoup d'espoir dans cette capacité à nous dire que oui, les réponses sont là, oui, le changement d'échelle est possible et en fait il peut advenir beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ça, c'était vraiment quelque chose que je pressentais. Et le fait d'avoir mené déjà 50 épisodes sans galérer encore une fois pour identifier ces personnes et à chaque fois avec cette vision de l'ambition pour drastiquement modifier nos modes de vie à travers la porte d'entrée du métier, c'est un vrai accomplissement et c'est une vraie fierté pour moi d'arriver à montrer ça dans chacun des épisodes de 2030 Glorieuse. Parce que et ça, sans doute, c'est la troisième chose que je voulais vous partager. Ce qui est sûr, c'est que là, plus que jamais, on a affaire à une vraie bataille des imaginaires. On est dans les présidentielles en ce moment et vous avez sans doute vu à quel point on se bagarre sur des imaginaires qui sont parfois, mais radicalement, diamétralement opposés. Et souvent, malheureusement, le camp qui m'intéresse, pour le dire comme ça, est le moins capable d'arriver à exprimer facilement, avec des mots qui rendraient ces imaginaires désirables, à quoi pourrait ressembler le monde de demain et ce pourquoi ils se battent, quelles sont les valeurs qu'ils défendent et ce qu'ils arriveraient à matérialiser s'ils prenaient voilà, ces postes présidentiels là pour lesquels il y a énormément de temps médiatique hein, qui est accordé, qui est accaparé hein, même, en fait, il faudrait plutôt que je dise. Donc c'est très simple, hein. On a la vision de la France qui regarderait dans le rétroviseur, un rétroviseur qui montrerait une France qui en fait est complètement rêvée, sublimée, même même exagérée, parce que on a une France de personnes blanches qui ont toutes et tous un béret, la baguette sous le bras et le clocher de l'église qui résonne. C'est la France de certains films, mais qui en fait n'a jamais vraiment existé. On a cette France aussi du repli sur soi, de la peur de l'autre, de la peur de la différence et de la transformation de l'histoire, de nos acquis pour là exclure toute une autre partie de la société, de notre monde. Et même du vivant, hein, jusqu'à même les autres, l'autre sexe. Enfin, c'est complètement fou. Et on a cette vision qu'il a, et la vision qui existe depuis ces dernières décennies, et qui est celle d'une France qui réussirait à retrouver sa stabilité, sa désirabilité grâce à une économie pour une fois enfin florissante, à nouveau en tout cas, qui réussirait à sortir de ces crises qu'on accumule depuis plus de 10 ans facilement maintenant, et qui permettrait d'arriver à avoir à nouveau le plein emploi, à nouveau des salaires décents, etc. etc. Vous voyez bien hein, à chaque fois quels sont les camps ou les parties que je mets en avant avec ces différents récits, mais en les ayant résumé très rapidement, on arrive à s'imaginer de qui on parle et ce qu'ils nous proposent et ce pourquoi ils veulent en tout cas se battre et prendre le pouvoir pour les 5 prochaines années à venir. Mais quand on parle de notre camp à nous, de ce qu'on pourrait appeler l'arc du vivant, un soulèvement populaire, gilet jaune, gilet vert, fin du monde, fin du mois, on appelle ça un peu comme on veut, et même de voir que en fait on a assez du mal à lui mettre une pancarte pour le rassembler, ça montre que c'est quelque chose déjà qui est très divisé et qui pose question et pour m'être engagé au-delà des 2030 glorieuses sur tout un tas d'initiatives, je pense à la rencontre des justices, à la primaire populaire et tout un tas de choses, on voit que réussir à s'engager pour ce message qui serait rassembleur et ce destin commun qui donnerait envie de se retrousser les manches et de se sentir fier d'être français et même d'être fier d'être vivant et de faire partie de cette société, encore une fois, que je qualifie moi de durable et solidaire, là c'est beaucoup plus difficile. Et le message, alors là, lui, il est au mieux fumeux, flou, au pire complètement déstructuré et parfois même il s'oppose. Moi, ça me fait beaucoup de mal de voir ça et ça me rend triste. Et c'est pour ça que je crois que le travail de 2030 Glorieuses que je fais avec ce podcast des 2030 Glorieuses, il est aussi nécessaire parce que ça montre que cette vision de la société de demain, elle peut être enthousiasmante et qu'on peut viser d'autres croissances. Et si je devais le résumer, très simplement, je dirais que pour moi, la société de demain, c'est une société de croissance avec un S. Et c'est encore une fois de la croissance où reprendre notre place parmi le vivant nous remettra de l'humilité dans notre humanité. C'est pas facile à dire, pardon, mais c'est évident. Et en fait, remettre cette humilité-là nous permettra non seulement de reconsidérer notre chance d'être vivant, reconsidérer notre chance d'avoir tout ce qu'on a et aussi de laisser plus de place aux autres qui ont été tant brimés et même exploités et même mis de côté. Et là, on parle de la place de la femme dans notre société, des autres pays dont on a puisé les ressources et des plus pauvres dont on a railler les connaissances et les savoir-faire qui sont pourtant bien présents et tout à fait nécessaires, et etc., etc. Je pourrais continuer la liste pendant très longtemps, mais ça me semblait important à dire. Et surtout qu'à côté, je vous l'ai dit, avec les partis politiques, les couteaux sont en train d'être aiguisés, mais pas que. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé par hasard j'ai un logiciel qu'on appelle de flux RSS qui me permet de capter des informations sur les sujets qui m'intéressent, notamment sur la question des métiers de demain. Et là, je tombe sur cet article de Capital avec Management. Donc, en même temps, quand on dit Capital avec Management, on devrait savoir un peu à quoi on s'attend. Mais eux, ils parlent des 10 métiers qu'on pourrait exercer dans 10 ans. Et là, ça donnait. Moi, ça m'a donné froid dans le dos parce que, en fait, les métiers qu'ils listent, c'est concepteur de réalité virtuelle pour l'industrie, négociateur de rançon numérique, anticipateur de scénarios de crise, éthicien, non mais franchement, éthicien de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, enfin bref, éducateur de robots. Bon, vous voyez, en gros, c'est le, je pense qu'en plus, il force un peu le trait, c'est pas possible autrement, mais c'est... je continue la liste, désolé, je suis en train de scroller sur l'article et je vois animateur cross marketplace. Enfin, on sait même pas ce que ça veut dire. Et voilà, en fait, c'est cette vision de la société hyper technologique où on continue à viser seulement et uniquement la croissance économique et où on aurait l'impression que, en fait, le progrès passe forcément par l'innovation. On a les deux notions qui se sont complètement floutées, voire interchangées et qui disent ben voilà, quelque chose de notre relation au monde, de notre relation à l'autre. Et voilà, imaginez que moi, en tout cas, dans les écoles à terme, on pourrait dire, bah tiens, est-ce que tu veux être concepteur de réalité virtuelle pour l'industrie ou éthicien de l'IA ou même, bah oui, hein, forcément, animateur cross-marketplace. Ça me rend vraiment, vraiment triste et c'est pour ça que je suis vraiment très content de continuer à mettre en avant des gens qui font des métiers enthousiasmants. D'ailleurs, au passage, si vous ne l'avez pas déjà vu, le site 2030 Glorieuse maintenant existe, hein, il y a un site dédié et ça c'était vraiment un des gros accomplissements de cette année, c'était un objectif qui est devenu un accomplissement et si vous allez sur 2030glorieuse.org aujourd'hui vous pouvez aller sur un site internet qui est donc dédié aux 2030 Glorieuses où vous retrouverez forcément toutes les interviews des podcasts 2030 Glorieuses qui passent par la plateforme Imago mais pas que et notamment l'année dernière, j'avais travaillé sur des fiches métiers en 2030 Glorieuse que je vais retravailler, redéployer. J'aimerais augmenter leur nombre aussi. Pour l'instant, il y en a 17. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site internet. Et ces fiches métiers, elles sont avec des questions standardisées, un peu comme on les trouvait dans, vous savez, les CIO, je crois qu'on appelait ça, les CDI, les centres d'orientation et de documentation qu'on avait au lycée, au collège, où on avait ces classeurs, peut-être que vous les avez parcourus comme moi, où on avait un peu les métiers de demain et on les parcourait. En tout cas, moi, je les ai souvent consultés pour essayer de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire demain, parce que j'avais pas d'idée, je savais pas le métier que j'avais envie d'avoir. J'ai pas eu la chance d'avoir cette envie fulgurante. Et donc, là aujourd'hui, on a à dispo gratuitement ces fiches métiers en reprenant le témoignage des personnes que j'ai interviewées qui en plus ont accepté de répondre à des questions. On a ces exemples très concrets de à quoi ressemble leur métier, à quoi ressemble leur quotidien, quelles formations ils ont suivies, où est-ce qu'on peut retrouver ces formations et faire la même chose, qu'est-ce que ça veut dire en termes de salaire, etc., etc. Et je trouvais que c'était hyper important. Et puis, c'est cette bataille d'idées. C'est quand même clé de se dire, bah, en fait, quand on réfléchit à 2030 Glorieuse, 2030, c'est dans 9 ans, c'est demain, en fait. Soit on a cette vision de l'intelligence artificielle de partout, de la présence du numérique dans nos vies, dans chaque recoin de notre quotidien. Soit on se dit, bah non, en fait, il y a tout un tas d'autres métiers hyper enthousiasmants qui vont nous permettre de nous épanouir dans toute notre créativité, notre singularité, notre originalité et qui donnent à voir ce monde contributif, régénératif, avec, encore une fois, je le dis souvent, mais c'est vraiment devenu un mantra d'autres croissances et un métier qui prendrait peut-être un petit peu moins de place, pourquoi pas 4 jours par semaine, mais dans lequel on s'épanouirait pleinement et les lundis matin, au moment d'y aller, on n'irait pas à reculons, quoi. Voilà. La bataille des imaginaires, elle est là et je pense qu'il est important d'y contribuer. Les 2030 Glorieux, ce podcast-là, c'est une expression de cette nécessité. Et pour toutes les personnes que vous êtes, hein, qui agissez au quotidien, je ne peux pas m'empêcher de vous appeler, même si vous le faites déjà, j'en suis sûr, à y contribuer à cette bataille des imaginaires et à vous rendre compte qu'en plus de l'action, il est hyper, hyper, hyper nécessaire d'oser prendre la parole et de raconter. Non pas pour dire « regardez comme je suis génial » et vous, en creux, bah, vous faites rien et en fait, voilà, c'est « shame on you » et si les choses ne changent pas, c'est de votre faute. Non, c'est plutôt pour dire « regardez à quel point, là, je suis en train de vivre quelque chose d'hyper enthousiasmant » et en fait, bah, vous pouvez le faire aussi et c'est complètement imparfait et c'est parfois chaotique Et en même temps, quand on accepte ce chaos, ben, on se rend compte qu'il y a plein de choses derrière et plein de choses qui nous permettent de nous sentir beaucoup plus vivants et surtout de sentir que, encore une fois, on contribue à cette société durable et solidaire de demain et qu'on fera, comme le disait le fondateur du scoutisme, on laissera le monde dans un meilleur état que celui qu'on l'a trouvé. Pour moi, ça, c'est un changement de manière de nous voir dans le monde, d'habiter le monde et de nous projeter dans ce monde, puisque notre société actuelle, elle nous voit comme des consommateurs, donc des gaspilleurs, des jeteurs, des gens qui sont là pour prendre en fait, alors que la société de demain, ce sera une société où on régénérera, on rendra, on améliorera et on sera fiers de, voilà, d'avoir laissé notre société, notre quartier et notre planète dans un meilleur état que celui qu'on l'a trouvé. Un autre élément que je voulais vous partager, quelque chose dont je suis très fier cette année et qui me semble essentiel, et vous d'ailleurs vous pourrez le retrouver sur le site internet là dont je viens de vous parler des 2030 glorieuses, c'est le guide des conversations utopiques. Je vous en avais parlé déjà au printemps, on a lancé une campagne de financement participatif qui a bien fonctionné, qui nous a permis d'imprimer plus de 600 guides des conversations utopiques. Il y en a 400 qui ont été envoyés à travers toute la France et je sais qu'il y a aujourd'hui déjà des dizaines, des centaines même d'ateliers qui ont été animés pour que les gens puissent en fait faire voyager leurs proches, amis, famille, les voisins, mais aussi leurs collègues en 2030 glorieuse avec ce format qui permet en 2 heures, voilà, avec une petite carte au trésor, il y a des oracles, il y a plein de choses, de se projeter en 2030 glorieuse et d'imaginer à quoi ressemblerait la société de demain, parce que c'est un vrai travail en fait d'entraînement des imaginaires. Et non seulement on le fait jamais, mais en plus on est un peu entraîné, nous, à avoir pris le pessimisme comme une manière de se défendre. Et donc, voilà, imaginer que quelque chose pourrait se passer en mieux, c'est un vrai travail pour nous Français. Et ce guide des conversations utopiques qui y participe. Aujourd'hui, le guide, il a été financé, comme je vous le disais, à travers cette campagne de crowdfunding. De temps en temps, des personnes me contactent pour me le demander. Je l'envoie au cas par cas parce qu'il me reste encore quelques exemplaires et que je peux les envoyer par-ci, par-là, mais vraiment de manière épisodique. Là, mon gros objectif pour l'année 2022, et ça fait partie des annonces que j'avais envie de vous faire, c'est de faire en sorte que ce guide il puisse être diffusé beaucoup plus facilement. Je vais travailler à faire en sorte qu'on arrive à l'éditer. Je pense que ce sera le plus simple pour qu'il soit partout en librairie et que les personnes qui ont envie de se fournir ce guide pour voilà, faire voyager leurs proches et faire vivre ce qu'ils vivent chaque fois qu'ils écoutent un épisode du podcast 2030 Glorieuses, bah, qu'ils le retrouvent en librairie et que ça soit beaucoup plus simple. C'est mon objectif pour 2022. Et je terminerai aussi en disant que 2022, pour moi, ça sera l'occasion de donner une autre dimension aux 2030 Glorieuses. Le podcast va continuer. Et d'ailleurs, je vous fais un appel. Si jamais il y a des personnes que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, que vous suivez avec intérêt et qui, pour vous, auraient toute leur place dans ces 2030 Glorieuses parce qu'elles exercent un métier unique, singulier, original, mais très ambitieux dans la régénération du vivant et dans la place que l'humanité peut prendre dans ce rôle-là, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et j'ai plein d'angles morts en plus dans ma manière de voir le monde, de l'appréhender, de m'informer. Et donc, il y a tout un tas de personnes dont je n'entends pas parler, qui passent sous mes radars à moi. Et donc, le fait que vous me les partagiez, c'est primordial pour vous donner un seul exemple, mais vraiment très significatif. Je n'avais jamais entendu parler de Marie Petit avant qu'on me partage son initiative sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai découvert son travail avec les petits écolos sur Instagram, mais surtout son métier, enfin, en tout cas son engagement en tant que directrice d'école, en tant que professeure, avec son cours par semaine dans la nature et tout ce qu'elle a réussi à faire. Et en fait, ça a été même l'épisode le plus écouté de l'année et c'est là où j'ai eu le plus de retours positifs. Donc, quand vous me faites des suggestions, non seulement je les écoute, mais souvent elles tombent très très juste. Donc n'hésitez pas. Et comme je vous le disais, pour moi, là, l'année 2022, ça va être vraiment, vraiment 2030 glorieuse le matin, le midi, le soir. Je vais manger 2030 glorieuse, je vais dormir 2030 glorieuse, puisque en plus de ce guide des conversations utopiques auquel je vais accorder encore plus de place et d'énergie, vous le savez déjà, mais Je vous le redis, vous le savez déjà, puisque si vous suivez les réseaux sociaux, j'ai commencé à teaser un peu, à annoncer la sortie de ce livre, mais je vous le dis parce que je suis vraiment très très fier et je suis sûr que ça va vous plaire. Ça fait un an que je travaille avec Actes Sud et notamment la collection des domaines du possible qui est vraiment la référence dans le domaine du vivant, des sujets écologiques, solidaires, de la biodiversité. Elle a été créée il y a 10 ans par Cyril Dion, cette collection. Pour moi, c'était l'accomplissement ultime que de publier dans cette collection, surtout avec Actes Sud, qui est une maison d'édition dont l'engagement n'est plus approuvé. Et donc, voilà, on sort le livre le 19 janvier. Il s'appelle « 2030 glorieuse utopie vivante ». Et c'est un livre dans lequel je propose ni plus ni moins que la suite du premier livre « Ça commence par moi », qui m'a permis de toucher énormément de gens et pour lequel les retours là aussi ont été très très bons, où je témoignais de ma démarche d'éco-citoyen ambitieux et fier de l'être, avec les 365 actions que j'ai accumulées dans mon quotidien et l'impact de ces actions sur ma vie, sur mon impact écologique, mais aussi sur mes proches, sur ma relation au monde, sur ma relation à moi-même. Je sais que ce livre a vraiment fait du bien à beaucoup de gens et je continue à recevoir des retours positifs sur ce bouquin alors qu'il est sorti en 2018, c'est assez fou. Et là, enfin, je propose la suite. Donc, c'est un essai très personnel où je continue à témoigner de mon expérience. Je commence le récit juste après la fin de l'année « Ça commence par moi ». Où en fait, de plus en plus, je me pose des questions sur mon engagement, sur ma manière de voir mon engagement, de calculer, de mesurer mon engagement, mais surtout le cap que j'ai envie de donner et les prochaines étapes que j'avais envie de donner à cet engagement, à ces questions écologiques, à cette participation à la construction des mondes de demain. Et je raconte tout ça. Je raconte les pièges dans lesquels je suis tombé, je raconte les espoirs déçus que j'ai eus, je raconte aussi la compréhension plus fine de ce que je pense essentiel pour pouvoir transformer notre société le plus rapidement possible, les blocages auxquels j'ai été souvent confronté, mais aussi les choses qui ont marché et les moments où je me suis dit, tiens, là je tiens quelque chose. Et notamment sur cette question des imaginaires et sur la parole que je pouvais prendre pour en proposer des imaginaires dont on entend trop peu parler et qui me tiennent particulièrement à cœur. Je raconte le début des 2030 glorieuses, l'impact, et ensuite je fais un exercice de synthèse où, après être parti plus de 50 fois en 2030 glorieuses, comme vous le savez, avec la porte d'entrée des métiers, là, cette fois, je fais le pari de proposer des 2030 glorieuses, mais à l'échelle du pays, dans toutes les grandes thématiques qui nous occupent, avec un gouvernement du vivant et une république du vivant. Et donc, pendant plus de 100 pages, je donne à voir à quoi pourraient ressembler les 2030 glorieuses à travers un gouvernement qui serait radicalement différent, des ministères qui changeraient de domaine, qui changeraient de nom et dans lesquels je décide moi-même de promouvoir les personnes que j'ai interviewées, nombreuses des personnes que j'ai interviewées en 2030 glorieuses grâce au podcast. Et je les mets dans des postes clés. Et j'imagine comment elle pourrait avoir de l'impact pour transformer notre pays. Les mesures à prendre, les mesures politiques contraignantes, mais aussi de belles propositions qui nous permettraient de transformer le pays. Et vous pourrez comme ça découvrir 10 propositions de ministère avec au total plus d'une centaine de mesures politiques qui transformeraient radicalement notre pays. Et je donne tout un tas de pistes sur comment nous, en tant que citoyens, on pourrait travailler pour faire advenir cette société française des 2030 glorieuses et à toutes les échelles, et donc à l'échelle de notre quartier, de notre ville, de notre région et forcément à l'échelle nationale, même plus, quels seraient les leviers qu'on pourrait activer dès aujourd'hui pour enfin rompre avec cet attentisme, voire ce « je m'en foutisme », voire cette capacité à rester aveugle à toutes ces urgences parce qu'on en a peur, alors qu'en fait, c'est des opportunités extraordinaires. Ce livre, je pense que ça peut être un super prétexte à de nouvelles conversations. Ça peut aussi vous apporter tout un tas d'arguments et d'idées et d'éléments très précis pour pouvoir alimenter les conversations sur lesquelles vous vous sentez encore un peu limité ou à court de sujets et de points très précis quand vous discutez de tout ça avec vos proches ou dans votre entreprise. Et surtout, ça permet de lever les yeux, de recharger les batteries en regardant cette France qui n'attend plus que nous, et d'utiliser ensuite toute cette énergie-là qu'on aura accumulée et cette vision qu'on aura très claire devant nous pour se remettre au travail dès à présent. J'ai vraiment, vraiment hâte de le voir en librairie. Je vais profiter de cette sortie du livre pour continuer à porter le sujet des 2030 glorieuses partout en France avec de nombreuses interventions, notamment des rencontres en librairie, dans des salons, dans des conférences et tout ça. Donc restez attentifs et attentifs sur les réseaux sociaux. Notamment, je communiquerai pas mal sur Instagram et sur Facebook, mais aussi dans la newsletter de Ça commence par moi si vous voulez vous inscrire pour ne rien louper. Ça sera l'occasion de se rencontrer pour parler de 2030 glorieuses, pour faire des voyages en 2030 glorieuses, puisque en général, je pense que ce que je ferai, c'est que j'animerai le maximum d'ateliers pour voyager en 2030 glorieuses tout ensemble. Et puis, le livre, je lui souhaite la même vie que le livre « Ça commence par moi », qu'il puisse aussi vous servir de pied à mettre dans les portes ouvertes pour relancer les conversations avec vos proches et aller encore plus loin, donner à votre patron une vision plus ambitieuse pour changer encore plus ce que vous faisiez déjà dans votre entreprise, ou aller voir vos élus pour leur dire que il y a encore plein de choses à faire à l'échelle de leur territoire pour s'adapter à ces changements. Je parle depuis plus de 30 minutes, je ne pensais pas que j'allais parler autant, mais je parle depuis plus de 30 minutes et surtout je parle depuis plus de 2 ans, depuis la période des 2030 glorieuses. Et clairement pour moi, ce n'est pas une bulle dans laquelle je me réfugie pour échapper à la tristesse et à la froideur de notre époque, de notre période actuelle, qui, c'est vrai, est dure. Hein, et je ne vous dis pas que je ne ressens pas à quel point c'est difficile et à quel point c'est plombant de vivre à notre époque avec tous les débats nauséabonds qu'on entend et toute cette inaction qui est complètement mortifère. Hein. Mais ces 2030 glorieuses, elles sont en fait très stratégiques. Et plus je passe du temps en 2030 glorieuses, et plus ça me donne des armes, des outils, de l'énergie, des arguments, des contre-pieds pour pouvoir continuer à opposer des objections et dépasser les fins de non-recevoir qu'on fait à notre capacité de drastiquement prendre à bras le corps tous ces sujets qui sont en fait des sujets primordiaux de notre 21e siècle, à savoir l'égalité femmes-hommes, la reconnaissance d'une solidarité mondiale entre tous les peuples face au dérèglement climatique, notre nécessité à reprendre notre place parmi le vivant pour reconnaître un droit à ce vivant et arrêter de l'assujettir et de l'exploiter, etc. etc. Et donc, je vais continuer à voyager en 2030 glorieuses. Je vais continuer à vous partager toutes ces découvertes, toutes ces rencontres que je fais, toutes ces pépites que je glane en 2030 glorieuses. Et je vous invite à faire cet exercice le plus souvent possible, avec d'autres si possible même, parce qu'encore une fois, c'est pas une bulle, c'est pas un refuge, même si ça fait du bien d'y être. C'est stratégique de passer le plus de temps possible dans cet avenir qui nous attend. Et ça nous permet de, comme on le dit, c'est un caractère performatif, c'est-à-dire que dès qu'on parle des 2030 glorieuses, on les fait exister et ça nous permet de changer notre présent. On a tous ce pouvoir et il est urgent non seulement de le reprendre, mais de le déployer et de le faire changer de dimension le plus rapidement possible. C'est pour ça que je vous donne forcément rendez-vous d'ici 2 semaines pour un nouvel épisode des 2030 glorieuses. Et puis surtout dans la vraie vie, pour qu'on puisse continuer à changer, échanger autour de ces 2030 glorieuses. Encore une fois, j'espère vraiment vous rencontrer lors des rencontres que j'animerai en librairie ou de toutes ces conférences, dans ces salons, etc., etc. N'hésitez pas à venir vous signaler. Je suis toujours très, très heureux d'avoir des personnes qui me disent « Ah, j'écoute le podcast, c'est vachement bien, j'ai particulièrement aimé celui-ci ou celui-là ». Ça, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, dernière chose, vous l'avez peut-être vu, mais sur Facebook, il y avait un groupe qui s'intitulait « Ça commence par nous » et le nom a changé aujourd'hui, ça s'appelle « 2030 glorieuses » et c'est justement un endroit qui, je l'espère, peut être une plateforme virtuelle de contribution à ces 2030 glorieuses. Donc, je vous y attends. Si vous avez des questions, si vous voulez partager des initiatives qui, selon vous, auraient toute leur place en 2030 glorieuses, n'hésitez pas. Et puis voilà. Je vous dis encore une fois à très vite. Merci de me suivre avec autant d'envie et d'être chaque jour plus nombreux à écouter le podcast. Si jamais vous avez envie de laisser un commentaire, un avis sur votre application de podcast, n'hésitez pas. Pour moi, c'est vraiment très précieux. Ça me permet de faire découvrir le podcast à d'autres. Et voilà, je vous dis à très vite. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !